Kim Myong-chol a publié un écrit sous le titre « La victoire de la justice sur l'injustice est le résultat inéluctable de l'histoire ». En voici le résumé. La Corée est l'unique rempart socialiste dans ce planète. Les sanctions et offensives de suppression des forces hostiles à son égard sont sans précédent dans la longue histoire humaine. Pourtant, la puissance Paektusan manifeste son prestige en tant que puissance nucléaire et cosmique de l'Orient en repoussant au nom du Sungun l'injustice de toutes sortes qui empêche son développement indépendant. Elle opère de jour en jour des élans et réalise des grandes innovations et prodiges mystérieux, ce qui fait l'objet de surprises et d'admiration du monde entier. Les conspirateurs de la campagne infantile et lâche visant à isoler et supprimer la Corée et leurs suivistes sont abandonnés par l'histoire avec la fin lamentable marquée des défaites et échecs successifs. L'ex-président américain Obama a quitté la Maison-Blanche avec la faillite générale de sa politique d'hostilité envers la Corée et Park Geun-hye, qui se démenait pour la confrontation avec ses compatriotes, est condamné par la population pour ses crimes de haute trahison commis devant la nation. Les pays qui prétendaient une coopération dans la pression contre la Corée tout en privilégiant leurs propres intérêts s'affrontent les uns aux autres aujourd'hui par l'exacerbation des contradictions fondamentales. La réalité montre nettement qu'aucune force ne peut aller à l'encontre de la justice. Il ne faut pas oublier l'histoire passée ni négliger les précieuses traditions acquises au prix de sang. On ne peut jamais juger injuste ce que revendique un petit pays ni juste ce que réclame un grand pays. Plus les États-Unis et leurs suivistes s'adonnent aux isolements et suppressions contre la Corée et à la menace de guerre nucléaire, plus la Corée renforcera ses forces nucléaires pour les déjouer sans merci. La puissance Paektusan brillera dans l'univers comme symbole de la justice. Bien que les États-Unis et autres forces hostiles se démènent désespérément, la victoire de la justice sur l'injustice est le résultat inéluctable de l'histoire.